إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, serviteur d'Allah, comme vous le savez, lorsque le musulman jeûne, il s'habitue au noble comportement. Et le jeûne lui facilite l'accomplissement des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui facilite également le fait de s'écarter et s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que des choses détestables. Lorsque tu jeûnes, tu t'habitues à la bienfaisance et à la générosité envers les gens dans le besoin. Lorsque tu jeûnes, ton cœur s'adoucit à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ta langue s'humidifie par le dhikr et par la lecture du Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne comporte de nombreux bénéfices, des bénéfices immenses, et ce sont des bénéfices apparents que les gens connaissent. En effet, ces bénéfices apparaissent à travers le comportement du jeûneur et ce que l'on voit sur lui comme peur et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme empressement à faire le bien, chose qu'on ne voit pas sur les gens en dehors du mois de Ramadan. Cependant, il est important de savoir que la personne ne peut obtenir ses bénéfices lors de son jeûne si ce n'est en préservant son jeûne de tout ce qui peut y porter atteinte. En effet, ton jeûne est comme un vêtement. Lorsque la personne préserve son vêtement et en prend soin, alors ce vêtement, il le couvre et le protège du chaud ou du froid. Et également, ce vêtement va embellir son apparence. Mais s'il n'en prend pas soin et qu'il le néglige, alors son vêtement risque de se trouer, il risque de se déchirer, il risque également de se salir, au point de devenir un vêtement qui n'est pas utile, qui n'est pas profitable. Car il sera déchiré, troué, sali. Il n'embellira pas la personne qui le met, il ne le préservera pas du froid ou du chaud et il ne couvrira pas sa nudité. Il sera donc inutile. De la même manière, le jeûne. Si tu ne préserves pas ton jeûne de ce qui peut le souiller ou de ce qui peut le déchirer ou lui porter atteinte, alors tu n'en profiteras pas. Tu n'en tireras que fatigue, soif et faim. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il se peut que le jeûneur ne tire comme part de son jeûne que la faim et la soif. Et il se peut que celui qui prie la nuit ne tire comme part de sa prière que la veillée nocturne, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir dormi. Pourquoi ? Car il n'a pas préservé son jeûne. Il n'a pas préservé son jeûne de ce dont il est obligatoire de le préserver. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, celui qui ne délaisse pas les fausses paroles ainsi que leur mise en pratique, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc le véritable jeûneur, il doit se parer d'un certain comportement. Celui qui jeûne et qui délie sa langue, qui prononce avec sa langue des propos interdits par Allah subhanahu wa ta'ala, comme la médisance sur ses frères et ses sœurs, le fait de dénigrer ses frères et ses sœurs par des paroles fausses, le fait de faire du colportage pour semer la dissension entre les musulmans, le fait d'injurier des musulmans, le fait de dénigrer des musulmans par des paroles viles et des paroles laides, ou pire encore, des paroles fausses, alors celui qui fait cela, il a déchiré son jeûne. Il l'a déchiré avec sa langue. Car sa langue, elle n'a pas jeûné en réalité. Car il n'a pas retenu sa langue des propos interdits. Car celui qui jeûne, il doit veiller à n'utiliser sa langue que dans ce qui est profitable, comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation du Coran, le tasbih, le fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et toute autre parole pieuse, agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui convient pour le jeûneur. Et même en dehors du jeûne, c'est cela qui convient aux musulmans de manière générale. Mais ceci est encore plus exigé lorsque tu jeûnes. Lorsque tu jeûnes donc, tu dois faire des efforts pour préserver ta langue et l'utiliser dans des propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Également, celui qui jeûne et qui laisse aller son regard vers des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit de regarder. Il ne baisse pas les yeux face aux personnes qu'il n'a pas le droit de regarder. Il sort dans les marchés, il sort dans les centres commerciaux, il va au centre-ville, etc., dans des endroits où les femmes se réunissent et dans les endroits où la tentation est forte, et il laisse aller son regard vers l'interdit. D'autres encore n'ont même pas besoin de sortir. Il est assis chez lui et il allume la télévision ou son ordinateur avec Internet. Il va sur YouTube ou sur Facebook ou autre et les tentations lui viennent du monde entier. Les tentations et les turpitudes et les perversités du monde entier, et il laisse aller son regard sans se préserver, sans chercher à préserver son regard de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Les choses mauvaises et les turpitudes du monde entier lui viennent sur son écran et lui laisse aller son regard sans prêter attention à cela. Celui-là, il a déchiré son jeûne par son regard. Il est resté devant son écran alors qu'il jeûnait à regarder l'illicite. Il ne lui reste rien de son jeûne. Il ne lui reste que la faim et la soif et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas jeûné d'un jeûne qui lui profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, celui qui a jeûné, mais qui n'a pas préservé son ouïe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il écoute la musique à longueur de journée. Il écoute des paroles fausses. Il écoute des gens vulgaires prononcer des paroles interdites. Et il écoute les gens qui médisent et qui font du colportage. Celui-là, il n'a pas jeûné d'une manière qui lui profitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a simplement jeûné d'un jeûne dont il ne tirera aucun profit, si ce n'est la faim et la soif dans ce bas monde. Cependant, nous ne disons pas que son jeûne, il doit le recommencer ou le rattraper. Car en apparence, il est jeûneur. Il a jeûné d'un jeûne qui est valide, mais son jeûne a été entaché par les péchés. C'est pour cela qu'il n'en tirera aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car son jeûne est déchiré. Il est défectueux. Il ne le recouvre pas, il ne l'embellit pas. C'est un jeûne qui est défaillant, duquel il ne tirera aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire pour le jeûneur de se rappeler de cela et de préserver son jeûne. De la même manière que tu fais jeûner ton ventre de la nourriture et la boisson, tu dois faire jeûner ta langue de toute parole interdite. Tu dois faire jeûner ton regard de tout regard interdit et tu dois faire jeûner ton ouïe de toute écoute interdite. Et que l'ensemble de ton corps et de tes membres jeûnent avec ton ventre. Et qu'ils délaissent tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Lors du jeûne, mais également de manière continue tout au long de l'année. Car le jeûneur, il lui est interdit deux choses. Premièrement, les choses qui sont interdites seulement lors du jeûne. Et qui sont permises lorsque tu ne jeûnes pas. Comme le fait de manger et de boire et de profiter de ce qu'Allah t'a rendu licite. Ceci est interdit seulement lors de la période du jeûne. Mais il y a des choses qui étaient interdites avant le mois de Ramadan, et leur interdiction est encore plus stricte lorsque tu jeûnes et lorsque vient le mois de Ramadan. Et le fait de les commettre est encore plus grave durant le mois de Ramadan lorsque tu jeûnes. Et ceci sont l'ensemble des péchés et des mauvaises actions. Elles sont interdites pour le jeûneur, tout comme pour celui qui ne jeûne pas. Elles sont interdites pendant le mois de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année. Cependant, lorsque tu jeûnes, leur interdiction est encore plus stricte. Il est encore plus grave de commettre ces péchés durant le mois de Ramadan, lorsque tu jeûnes. Et ces péchés, ils ont un impact direct sur la récompense de ton jeûne. Ils annulent la récompense de ton jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de prendre des péchés, tu perds la récompense de ton jeûne en les commettant durant le mois de Ramadan. Tu dois donc prendre garde à cela. Le jeûneur, il doit se rappeler de cela et adopter un comportement qui correspond à son jeûne et qui convient au mois de Ramadan afin de compter parmi les véritables jeûneurs. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué et il nous a orienté vers le fait de préserver notre langue de tout propos illicite durant le jeûne. Même si quelqu'un t'insulte, tu ne dois pas lui répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un t'insulte ou te dénigre, alors tu dois lui dire, je suis jeûneur, je suis jeûneur. C'est-à-dire que tu prononces cette parole avec ta langue afin de lui faire écouter, pour lui faire comprendre que si ce n'était le jeûne, tu lui aurais rendu l'appareil. Mais le jeûne t'en empêche. Le jeûne t'a aidé à retenir ta langue de la réponse à celui qui t'a insulté. Et tu ne lui as pas rendu l'appareil car le jeûne t'en a empêché et que tu crains que cette parole entache ton jeûne et vienne en diminuer sa récompense. Donc, si telle est l'orientation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant celui qui se fait insulter, de ne pas répondre, mais de se rappeler qu'il jeûne, alors que dire de celui qui dénigre les musulmans, qui insulte les musulmans, qui médit sur les musulmans, et qui fait du colportage entre les musulmans durant le mois de Ramadan? Il n'y a pas de doute que son péché est bien plus grave encore. Ceci nous montre donc qu'il est obligatoire pour le musulman de préserver sa langue. En effet, la langue, en réalité, elle peut faire courir un homme à sa perte. Il se peut qu'une personne prononce une parole à laquelle il ne prête pas attention, mais que cette parole, elle le plonge au fin fond du feu de l'enfer, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc préserver ta langue lorsque tu jeûnes, mais aussi lorsque tu jeûnes pas, tout au long de l'année. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué les dangers de la langue. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Et qu'est-ce qui précipite les gens au feu, la tête la première ou le nez le premier, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté ?» Tu dois donc prendre garde à ce que ta langue prononce. Les paroles sont simples. Il est facile de parler. Il est facile de dénigrer. Il est facile de médire. Il est facile de colporter. Mais tu dois savoir que le châtiment et que la sanction de celui qui délie sa langue, elle est douloureuse et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le diable, il enjolive les paroles aux gens et il les pousse à délier leur langue afin que leur langue les jette au feu de l'enfer, la tête la première, et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit de ne pas délier la langue, cela englobe également, à notre époque, le fait de ne pas délier ses doigts, notamment sur les réseaux sociaux, en écrivant toutes sortes de futilités et toutes sortes d'insultes, de dénigrements ou autres qui s'opposent au comportement du musulman et a fortiori au comportement du jeûneur. Je demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me faciliter ainsi qu'à vous l'accomplissement des œuvres pieuses durant ce mois et le délaissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprouve. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à nous parer du comportement du véritable jeûneur et à nous aider à délaisser les péchés et les mauvaises actions durant notre jeûne ainsi que tout au long de l'année. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.